les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il fut le créateur de la nouvelle revue de psychanalyse. Membre du comité de lecture des éditions Gallimard, il n'était pas intéressé par le fait d'écrire quelque chose qu'il savait déjà. Sa mémoire échappait aux horloges et aux calendriers. Il était l'invité d'Alain Weinstein le 1er mai 2002 sur France Culture. Du jour au lendemain, avec J.B. Pontalis. J.B. Pontalis publie En marge des jours chez Gallimard. Plutôt des propos recueillis ici ou là, venus du divan, d'une rencontre, d'une lecture, l'ébauche d'une idée, une sorte de livre de raison ou une comptabilité des jours avec de longs intervalles. Je consigne cela comme le voyageur qui dépose sa valise à la consigne pour s'assurer de ne pas la perdre et qu'on ne la lui vole pas en attendant le départ du train, du bateau qui l'emportera, il l'espère, loin de chez lui. Mais quand même, il y tient à sa valise. J'ai choisi ces quelques lignes pour commencer notre émission, J.B. Pontalis, à cause du mot « loin ». Parce que c'est le titre d'un de vos livres. Et aussi parce que, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je vous ai senti loin. C'est vrai que nous sommes loin de l'autre, physiquement, dans ce studio. Mais aussi, vous aviez... Avant que l'émission commence, les yeux perdus assez loin de cet endroit où nous nous trouvons l'un et l'autre. Et je me demandais si c'était loin des mots, loin du livre, ou loin de la parole qu'on est censé échanger à cause ou grâce au livre. Non, loin de la parole, je crois pas. Loin de ce livre, pas très loin, parce que je l'ai écrit d'ailleurs assez vite, et il y a quelques mois. Il est paru peu de temps après que je l'ai remis à l'éditeur. Bon, mais loin, c'est vrai, vous l'avez relevé tout de suite, c'est peut-être un de mes mots, ou une de préférés, ou une de mes faiblesses, ou une de mes forces, je ne sais pas trop. Je pense que c'est... Loin n'est pas opposé à près, qu'on est près de quelque chose qui est loin. C'est pas seulement une esquive que je fais là. C'est pas forcément quand quelqu'un est le plus immédiatement proche et présent qu'on est le plus proche de lui. Loin. Regardez les rêves. Donc, vous savez que je suis très attaché aux rêves, ou que les rêves sont très attachés à moi. Et dans notre vie de nocturne, dans nos rêves, nous sommes près de ceux qui sont loin, souvent. Nous pouvons même être près de ceux que nous avons aimés ou haïs, qui ont disparu, soit qu'ils soient morts, soit que nous ayons perdu de vue, qu'ils soient donc assez loin. Et là, ils se rapprochent de nous avec souvent dans une présence plus forte, plus intense, je pourrais dire même plus vive, que dans la vie quotidienne, dans ce qu'on appelle la réalité. Mais les livres nous rapprochent ou nous éloignent ? J'aimerais en tout cas que celui-là, dont nous parlons aujourd'hui, me rapproche du lecteur et que le lecteur se rapproche de moi. C'est un livre assez intime, même s'il n'est pas composé de confidences et que je m'y révèle certainement de façon plus ou moins indirecte. Et ce que je souhaite, c'est que le lecteur y trouve quelque chose de sa propre intimité. Je crois que je le dis dans ces pages, c'est un petit livre. Rien ne me fait plus plaisir que de savoir, soit par une lettre, soit par un écho, que le livre a pu toucher un lecteur inconnu et qu'il y retrouve quelque chose de lui-même. Plus que de sa propre intimité, plus que de la mienne. Si j'écris, c'est ce qui n'est pas quand même ma profession, dans la mesure où j'en ai une, c'est pour justement rejoindre ce lecteur inconnu et aussi peut-être découvrir parfois quelque chose que je ne connais pas bien de moi-même. Mais vous seriez une sorte d'écrivain public alors pour... J'aurais bien aimé être écrivain public. Je crois que ça n'existe plus beaucoup, en tout cas plus en France ni dans nos pays dits développés, mais dans certains pays où les personnes soit ne savent pas écrire, soit ne savent pas manier suffisamment la langue pour pouvoir notamment écrire des lettres plus ou moins à une administration, les aider, écrire à leur place, mais à leur place en fonction de ce qui est leur souhait, c'est quelque chose qui m'aurait fait plaisir d'être une sorte de médiateur. Mais il reste que ce qui est écrit est en marge, à côté des jours. Ça ne peut pas se confondre avec les jours eux-mêmes, c'est-à-dire avec la vie. Non, en marge, là. Bon, parce qu'il y a des événements, disons ceux qu'on lit dans les journaux, enfin, que relatent les journaux, je ne dis pas qu'ils ne comptent pas. Il y en a chaque jour, souvent l'un effaçant l'autre assez vite. Mais curieusement, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, ce n'est pas toujours des événements marquants. Ils s'oublient assez vite, peut-être parce qu'il y en a trop. Et tout ce qu'on appelle maintenant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je ne sais pas, même un match de football ou de tennis, on dit que c'est un événement historique, surtout quand c'est la France qui a gagné. Bon, il y a un abus vraiment de l'historique. Et j'ai essayé d'évoquer discrètement les événements qui, moi, me marquent et qui peuvent être tout à fait intimes. Vous l'avez dit, ça peut être une phrase qui m'a particulièrement touché dans un livre, ça peut être une anecdote qui m'a été relatée, ça peut être des propos qui sont venus du divan, parce que je suis psychanalyste. Et ça s'inscrit, on ne sait pas trop pourquoi. Donc c'est une mémoire, voilà, ce qui m'intéressait là, c'est ce qui s'inscrit dans notre mémoire. Pour chacun, c'est évidemment différent. Mais peut-être, encore une fois, les événements qui s'inscrivent dans ma mémoire peuvent être en résonance avec ceux qui s'inscrivent dans la mémoire de tel ou tel lecteur. Mais c'est en marge, même souvent pour moi, je ne sais pas pourquoi, des années après, tel mini-événement, tel minuscule événement, voilà, je m'intéresse plus aux événements minuscules qu'aux événements majuscules. C'est en marge, mais c'est toujours proche de la vérité, parce que ce que vous appelez l'intime, c'est votre vérité, en fait, et les livres que vous écrivez, que ce soit des livres scientifiques, on va dire, ou plus littéraires, puisque vous écrivez les deux, sont toujours des livres qui parlent de quelque chose de vrai, qui n'inventent rien, qui ne qui refuse la fiction. J'ai vu d'ailleurs que dans votre du même auteur, vous aviez fait disparaître, non pas un homme disparaît, mais l'enfance d'un autre, c'est-à-dire un livre qui était présenté comme un roman, publié il y a assez longtemps, en 53, à la table ronde. Et celui-là, vous n'en voulez plus. C'est pas qu'il est... Oui, il a un peu disparu. Bon, je l'avais écrit très jeune. Je n'ai jamais été très content, mais aujourd'hui, moins que jamais. Je ne le renie pas. On ne peut jamais renier ce qu'on a écrit. Mais je m'en veux un peu de l'avoir publié si tôt. En fait, il était très autobiographique, même sous forme de roman. Et notamment... imprégné de beaucoup de souvenirs d'enfance. C'était avant donc que je fasse une analyse, et je trouve que ces souvenirs d'enfance que je donnais là presque à l'état brut, justement, je n'avais pas déployé la résonance. Je regrette de l'avoir publié à cette époque-là. C'est un peu dommage. Oui. Mais ce qui compte le plus pour vous, ce sont ces livres que vous écrivez en marge du travail que vous faites de psychanalyste, en marge des jours. Mais ces traces que vous laissez et qui, de temps en temps, peuvent croiser d'autres traces. Oui, je ne sais pas si c'est ce qui compte le plus. En fait, à part donc ce petit roman auquel vous faisiez allusion, j'ai commencé à écrire des livres dits littéraires assez tardivement, avec Loin, justement. Donc j'avais, je crois, déjà 50 ans. Et maintenant, c'est vrai que, peut-être les années passant, c'est ce qui... Je sais pas que c'est ce qui compte le plus, mais c'est... Non, oui, je peux dire c'est ce qui compte le plus. Mais pourquoi ça compte à ce point-là? Ça compte, enfin j'aime pas beaucoup le mot, ça compte, ouais. Mais disons que c'est là où je crois avoir encore peut-être quelque chose à dire. De ce que justement je n'ai pas encore vraiment trouvé. Bon, ça m'intéresserait pas d'écrire quelque chose que je sais déjà. Je ne sais jamais, quand je commence un livre, où il va me mener. Je ne fais jamais de plan, je ne peux pas dire que j'en vis, mais disons que je suis plutôt surpris par les auteurs qui, j'en ai encore entendu un l'autre jour, me dire « il me reste 17 pages à écrire ». Donc il sait exactement où il va et comment il va conclure. Alors, je m'avance vraiment sans savoir du tout où ça va me mener. Tout ce que vous auriez fait jusqu'à Loin, ça vous aurait mené à l'apprentissage de l'écriture? Je ne fais pas vraiment de distinction aussi tranchée entre ce que vous appelez abusivement mes écrits scientifiques, disons mes écrits psychanalytiques, et mes écrits dits littéraires. Parce que même dans mes écrits qui concernent de plus près la psychanalyse, je suis très... C'est un travail aussi d'écriture, et je n'ai jamais fait de textes qui soient purement théoriques ou purement, c'est un sens objectivé. Donc je ne fais pas une énorme différence entre les deux. Enfin, j'ai pas l'impression de changer de plume quand je passe d'un écrit destiné à une collection psychanalytique ou quand j'écris pour la collection Blanche, puisque ces livres-là, les derniers sont parus dans la Blanche. Qu'est-ce qui change alors? Il change que, quand même, dans les écrits psychanalytiques, on peut-être fait plus attention, enfin, je fais plus attention à ne pas dire de bêtises, je dirais. Peut-être qu'il y a quand même des références un peu obligatoires. Oui, on sent beaucoup tenir compte de la littérature sur la question qu'on traite. Bon, quand même, un peu. Si j'écris sur le rêve, pour revenir à lui, je sais ce qui a été écrit sur la question. Bon, puis il y a toujours Freud quand même à l'horizon, à l'arrière-plan ou au premier plan. Alors que dans un texte dit littéraire, il n'y a aucune autre référence que quoi que soi ou que l'inconnu en soi. On ne cherche pas à être vrai dans le même sens. Donc c'est encore beaucoup plus difficile, parce qu'il n'y a pas de point d'appui. C'est plus difficile, mais peut-être plus angoissant, parce qu'on écrit à la fois avec beaucoup de plaisir et quand même pas mal d'anxiété. Mais oui, voilà. En un sens, c'est plus difficile, mais on est quand même plus libre. Plus libre et donc peut-être plus contraint, puisqu'on ne répond qu'à ces exigences internes. Enfin, tous ces mots-là sont un peu emphatiques par rapport à la modestie du travail d'artisan qui est celui pour moi d'écrire. C'est Paul Valéry, J.B. Pontalis, que vous citez en exergue à En marge des jours, le livre que vous publiez chez Gallimard dans la collection Blanche. Cette phrase, qui aurait pu aussi vous donner un titre, « Quelque chose arrive dans une région du moi où je ne suis pas ». Donc, l'inconscient. Oui, on peut l'appeler comme ça. Enfin, oui, l'autre... une autre dimension, ça rejoint un peu ce que je vous disais à l'instant. Laisser parler quelque chose qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas contenu dans ce que nous appelons notre moi. Donc on peut l'appeler le non-moi, auquel je essaye de donner la parole. Le langage, c'est l'un des thèmes de ce livre, composé de fragments, on l'a dit. Et au début, vous confiez que, pour ce qui vous concerne, vous souhaitiez, et vous souhaitez toujours, dans tous vos livres, une écriture sans ornement, une écriture pauvre. Oui, je suis pas très content d'avoir... Sans ornement, je suis d'accord, je suis pas très content d'avoir écrit peut-être le mot pauvre. Comme arte povera. Je veux dire, oui, c'est une écriture qui, sans emphase, sans, enfin, ne pas faire dans la littérature, hein, ne pas en mettre, donc trouver les mots justes, les mots simples. J'essaye toujours de, quand j'écris de la psychanalyse, de ne pas avoir recours aux termes savants, enfin, un peu au jargon de la profession. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de transmettre quelque chose de l'analyse sans enfermer mon lecteur et moi-même dans la prison d'un langage spécialisé. Vous faites dès le début la distinction entre le travail du romancier et celui du psychanalyste. Le psychanalyste est proche du romancier malgré tout, mais comme vous l'écrivez, une analyse ne saurait se convertir en un roman. Parce qu'entre les deux, il y a une antinomie. Le romancier est un narrateur, alors que l'analyse ne raconte pas. Non, une analyse ne se raconte pas. Elle échappe à la narration. Il y a les romanciers, beaucoup aujourd'hui, essayent aussi de ne pas être limité par une narration vraiment linéaire, chronologique, etc. Mais enfin, quelle que soit la forme qu'ils choisissent, il y a une forme. D'ailleurs, même dans En marge des jours, qui est composé de fragments, choses prélevées, et ben même là, il y a quand même une forme. Dès que vous écrivez un livre, il prend une forme. Quelle qu'elle soit. Or, l'analyse n'a pas de forme, elle échappe à toute forme. Elle est une bouche qui s'ouvre, oui, écrivez-vous. Oui, c'est une bouche qui s'ouvre sur ce qui n'est pas en bouche, qui n'est pas déjà... c'est l'idéal de l'analyse. Il y a des moments narratifs dans une analyse, mais c'est quelque chose qui m'a assez frappé. Si vous voyez quelqu'un en consultation une ou deux fois, là, ça peut être assez narratif et ça ressemble à un roman. Très très vite, celui qui écoute et qui pose quand même des questions voit la forme qu'a pris la vie de celui qui s'adresse à lui. Il voit les événements importants, il peut reconstituer l'histoire, il devine la figure des parents, etc. Et puis, dès que l'analyse avance, toute cette mise en forme est mise à mal. Mmh. La parole devient beaucoup plus erratique. Là aussi, elle ne sait pas très bien où elle va. C'est quand même ce qu'exige la méthode analytique, avec la formule maintenant un peu usée, dites ce qui vous passe par la tête, pas seulement par la tête, tout ce qui vient en vous, tout ce qui arrive, tout ce qui arrive en vous, et sans vous soucier de savoir si ça a un sens, si ça prendra justement une forme, si ça a le moindre intérêt, etc. Mais là, on est dans un autre cas de figure encore, parce que En marche des jours, ce n'est ni un roman, ni de l'analyse. Non, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un livre qui vous a surpris, vous êtes laissé surprendre par un livre, puisque au départ, quand vous avez acheté ces cahiers dont vous parliez, vous n'aviez pas l'intention précise d'en tirer la matière à un livre. Non, pas du C'était tout. C'était juste pour vous rafraîchir la mémoire de temps en temps. Oui, au départ, c'est ce que j'appelle mes cahiers privés. Privés au sens qu'ils ne sont pas destinés à d'autres, mais aussi peut-être qu'ils sont privés de quelque chose. Et oui, je trouvais que ma mémoire n'était plus ce qu'elle l'avait été, et puis ça m'énervait un peu de ne pas pouvoir me souvenir, je sais pas, où j'avais passé mes vacances en telle année, ce que j'avais bien pu faire tel ou tel jour. Donc j'ai acheté un grand cahier où je notais, mais pas de façon régulière, c'est pas un journal... C'est pas un diary, comme les Anglais, c'est pas jour après jour. Mais de temps en temps, je marquais quelque chose. Vous ne tenez pas la météo de votre âme? Non, je ne tenais jamais. Parce que c'est un risque que connaissent tous ceux qui tiennent, ou quelquefois ici complaisent, ceux qui tiennent vraiment un journal, c'est en effet de dire aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai pas bien dormi, je sens le rhume qui vient, même pour soi, c'est pas très intéressant assez vite. Mais là, vous poussez la discrétion jusqu'à ne pas les dater, ces fragments. Dans mon cahier, c'est daté, puisque c'était un peu un aide-mémoire. Et là, je n'ai jamais repris tel quel ce que j'avais écrit dans ce cahier, mais c'est un peu quelquefois, je m'en suis servi comme une sorte de petit germe de ce qui pouvait ensuite devenir imprimé. Mais si je ne les date pas, c'est sans doute parce que je crois profondément que il y a deux sortes de mémoires. Il y en a plus de deux sortes, il y a beaucoup de mémoires. Mais il y a une mémoire qui est justement assez chronologique. Il m'est arrivé telle chose à tel moment, tel jour, etc. Et puis il y a une mémoire qui échappe au temps des horloges, au temps du calendrier, qui est un peu la mémoire à laquelle justement l'analyste a affaire, où les choses, les événements sont peu datés, et du moment qu'ils sont rapportés aujourd'hui, dans ce moment-ci, sont au présent. L'analyse donne accès à une mémoire très particulière qui est à la fois ce qu'on peut appeler un retour du passé, mais un retour du passé qui est présent. Si je vous dis quelque chose maintenant, je dis à mon analyste quelque chose maintenant, d'abord je le lui dis, et je lui dis à l'instant même. Donc c'est hors temps. C'est hors, en tout cas, du temps chronologique et du temps des saisons. C'est là, c'est ce que j'ai appelé, en reprenant un mot de Pascal Quignard, la cinquième saison. C'est-à-dire une saison qui échappe aux quatre saisons calendaires, qui n'existe pas, qui est à l'horizon de ces quatre saisons, sans être une saison identifiable et localisable dans le temps. Alors, parmi les notations qui concernent la psychanalyse dans ce livre, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, oui. Il y a cette crainte que vous exprimez de la sacralisation du texte freudien. Par exemple, quand un de vos jeunes collègues vous confie « je n'y comprends rien », vous dites « c'est bon signe, il commence à devenir analyste ». Oui, enfin, c'est deux choses différentes. La sacralisation du texte, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus du texte, pas seulement pour Freud, mais d'une façon générale, le texte, et qui, à mon avis, efface un peu l'œuvre. Moi, je préfère parler de l'œuvre freudienne, qui est quelque chose qui a toujours été en mouvement, où il accepte de se contredire. C'est même la condition, à mon avis, de toute pensée, c'est de ne pas se reposer une fois pour toutes sur certains fondements auxquels on ne touchera plus. Et donc la sacralisation du texte, qu'on connaît surtout en France, les lecteurs français de Freud sont beaucoup plus soucieux du respect du texte et de l'analyse infinie du texte que le sont sans doute les lecteurs qui ont accès directement à la langue de Freud, à savoir l'allemand. Ça, c'est une chose. Quand ce que vous citiez là, du jeune analyste qui dit... Je pensais justement à un jeune collègue qui pouvait me rapporter de façon extrêmement précise le texte des séances, quasiment verbatim, alors qu'il ne prenait pas de notes. Il avait une mémoire alors, très différente de la mienne, vraiment une mémoire où tout dans le détail s'inscrivait. Et puis, j'avais d'ailleurs aucune espèce de représentation du patient dont il me parlait, tellement c'était lié aux mots et rien qu'aux mots. Et puis quand même un jour il me dit là, j'ai vraiment rien compris, et donc il ne pouvait plus analyser le texte. Et oui, je me suis dit là, ben, il commence peut-être à devenir analyste, c'est-à-dire à essayer d'aller au-delà du verbatim et à s'avouer, à se reconnaître complètement déconcerté, rester bête. Au lieu de vouloir être toujours intelligent. Mmh. Il est pas mal question de la mort aussi dans ces fragments que vous avez conservés du grand cahier. C'est plutôt le thème mort à la mort quoi, qui est traité. Oui, enfin, j'aimerais bien. Je crois que je le cite là, j'avais été assez frappé. J'assistais à une messe d'enterrement d'une amie. Et bon, je n'aime pas beaucoup les discours des curés qui sont toujours assez fades, lénifiants et tout. Et là, le curé a dit « le Seigneur détruira la mort ». Mais c'est le mot « détruira ». Donc ça changeait un peu de « ça va être la vie éternelle ». C'est tout juste si on n'en vit pas, soi-disant, le mort, de connaître enfin une vie pleine. Et bon, là-dessus, j'ai cru que c'était presque une trouvaille de ce prêtre. Et une amie qui connaît la Bible par cœur m'a dit « mais enfin, il n'y a rien de plus courant ». Et elle m'a cité 40 références où cette formule pouvait se trouver. Mais c'est le mot « détruire », c'est-à-dire ce qui montrait qu'il y avait, somme plus fort que la mort, ou enfin qu'il y avait une lutte à mort, si je puis dire, entre, bon, l'occurrence, le Seigneur et la mort réelle. Mais ça vous a au moins incité à relire la Bible, ce qui est pas mal. À relire, je n'ai jamais lu... À l'ouvrir. Ouais. Dans un autre fragment, vous parlez de quelqu'un qui a pour habitude de commencer sa lecture du Monde, du journal Le Monde, par le carnet du jour où sont annoncés en particulier les décès. Oui, vous savez que c'est quelque chose de très courant. Je connais beaucoup qui ne le disent pas toujours, mais vraiment beaucoup de gens qui commencent par ça. Il y en a même qui ne lisent que ça. Et bon, je me suis toujours un peu demandé pourquoi. Ça rassure. Il y a l'aspect, ça rassure. Il y a toujours notre ambivalence quand on pleure un mort. En même temps, on se dit c'est pas moi. Hein. Donc je suis donc on pourrait presque dire que ce qu'on cherche dans ce carnet, c'est s'assurer que son nom n'y figure pas. Il y a aussi cette question que vous vous contentez de poser, mais que j'ai relevée parce que je me suis dit que, justement, j'allais vous demander la réponse. Comment nous y prenons-nous pour tenir notre mort à la fois pour certaine et improbable ? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Enfin, je crois que ça, c'est quelque chose d'assez que chacun de nous connaît. Mais entre le nous sommes tous mortels et je vais mourir, parce que c'est pas pareil. Je peux dire je suis mortel, ça ne me gêne pas trop, hein. Mais de se sentir en train de mourir, c'est tout à fait autre chose. Donc la mort, mais aussi la mer, émeut accent grave vers eux, qui est très présente, y compris votre propre mère, qui vous a traité de vieillard le jour de vos 60 ans. Oui, c'est assez drôle, ça, parce que donc je lui téléphonais assez souvent, ma très vieille mère, et je lui dis, tu sais, aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire, j'avais effectivement 60 ans. Elle avait évidemment oublié, parce que cette mère très présente, peut-être maintenant qu'elle n'est plus là, n'était pas très présente quand elle était là, enfin pour moi. Et là-dessus, elle qui ne parlait à cette époque-là, c'était vraiment très diminué, très peu, mais là, elle retrouve tout son tonus et me dit « Mais alors, tu es un vieillard !» Bon, j'aurais pu être un peu vexé, je ne me sentais pas du tout vieillard, et puis en même temps, ça m'a assez ému de voir que, je crois que je le dis là, qu'au fond, les rôles étaient, ce qui arrive souvent, était inversé, vous savez que l'enfant devient un peu la mère ou le père quand les parents sont très vieux, les rôles s'inversent. Et là, je me suis dit, c'est comme un enfant, hein, qui regarderait ses parents, qui dirait, oh, ben, qu'est-ce qu'ils sont vieux, ceux-là, hein. Il y avait vraiment un renversement de rôle, donc ça m'a plutôt ému que vexé. Oui. D'ailleurs, vous dites en venir à collecter les mots de votre mère comme les mères collectent les mots de leurs enfants. À ce moment-là, c'est vrai que le peu qu'elle disait, je trouvais ça assez inouï. Comme j'étais aussi très ému, parce que je crois que je raconte aussi, vous voyez, j'invente pas grand-chose. Et quand le soir, elle demandait exactement comme un bébé, elle demanderait le biberon, elle demandait une petite flûte de champagne, elle s'imbibait les lèvres avec un peu de champagne, et elle disait « c'est bon ». Et je crois que ces derniers mots ont été ceux-là, « c'est bon ». En marge des jours, le livre de J.B. Pontalis est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Marie-Dominique Bougaud, Bernard Troton, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er mai 2002.